suis dans mon délire, je suis dans ma folie. Trop de rats en cage, trop de frères en tôle qui sont incompris. Ça fait des années que je tourne en rond. Mais garde le sourire, je rigole à tout même si c'est pas marrant. Moi je vais pas changer, je serai toujours le même. Le malheur se touche, mon poteau, on récolte ce que l'on sait. Tout à mieux au quartier, la belle vie je connais pas. Avec le six bébés, belle qu'on y arrivera. Et pourquoi parler si t'assumes même pas? Moi je suis pas un voyou, je te parle pas de calibre de ce que je connais pas. J'ai pas besoin de rapport, moi je suis bien à jeun. Les souvenirs des toi me rappellent qu'en vrai on était bien. Oui on était bien, à la tête on était plein. Quitte à quitte, tout le monde s'est parti et dans son coin. J'ai dégoûté de tout, même avec des sous. Elle t'a quitté, mon premier son les a rendus fous. Pourtant je suis pas rappeur, mais là ils sont tous d'accord. En 120 heures j'ai fait 10 000 vues, j'arrivais pas à y croire. Mais ça me fait plaisir, quand je vois que ça me soutient. Tant pis si t'es pas, je représente ma tête validée par les miens. Bon ça tourne à mort, dans tous les secteurs. Et oui mi amor, maintenant qu'on me connaît, je sais que ça te fait peur. Je recherche pas la gloire, ouais je me cause du tort. Si chacun pour sa poire, je me casse le cul pendant que tu dors. On veut s'en aller, tu fais que râler. Pour les rats de la route, Hamza, Bill, Franche, les frères condamnés. C'est toujours des bangers, ça roule à gros bengue. T'aimes trop les nanas, moi j'ai trop la dalle, je veux que de la monnaie. Dis-leur que je suis lyonnais, que je suis déterminé. Que t'es imminent, la patate arrive, c'est tout programmé. La rage depuis des années, ça met tout dans la massa. Quant à mon bibi, t'aurais pu être une starlette au Barça. Et puis nique sa mère, ça donne en roue arrière. Je vous dis à tout à l'heure, faut que je découvre la vie avec un gros salaire. Un par de pudeur, avec les budgets à l'air. Demande à Tifleur, y'a combien de michetons quand un golf s'éteint. C'est donc ça la vie, demande à Harry. Ils font plus de manières depuis que je rappe, ils sont tout gentils. En seulement deux sons, ils me disent que je suis trop loin. Venez pas me coller, dis-moi où t'étais quand moi j'étais rien. J'ai pas signé de contrat, j'suis moi et mon équipe. J'fais ça pour la plane, j'fais ça pour le fric. Tant pis si j'fais un flop, viens voir si tu veux un flic. T'as la police et fort qu'on reconnaît tous des petits flics. On a fait des flous, on a pris des coups. Pour les grands du check, j'oublie pas les vrais vénards.